on s'en va pour un The Price is Right de l'aide sociale. Vous l'avez pas vu venir, celle-là, hein? C'est bien parce que ça permet à certaines personnes d'aller chercher un papier puis un crayon pour commencer à rédiger la plainte. C'est tellement... Oh, tout de suite. Non, mais c'est... J'ai nommé personne. Encore là, on répète. Je pose des questions de statistiques. C'est juste un jeu ordinaire pour la famille. Non. On sait que tu fais ça pour dénigrer les gens qui travaillent pas. Ben oui. T'aimes donc, ça, toi, faire ça. C'est tiré, donc, d'un document du gouvernement qui s'appelle le rapport statistique sur les clientèles de l'aide sociale. Novembre 2014, donc, c'est le document le plus frais. Je répète, les gens qui ont des contraintes temporaires à l'emploi ou des contraintes lourdes, des contraintes à l'emploi... Physique, mentale... Je veux qu'on vous aide plus. Ça peut être clair, là? C'est un peu ça, l'objectif, en fait. Oui, je veux qu'on vous aide plus, je veux qu'on vous aide plus, je veux qu'on vous aide plus, je veux qu'on vous aide plus, je veux qu'on vous aide plus, je veux qu'on vous aide plus. C'est clair? Là, les gens qui sont malhonnêtes, qui me détestent, vont juste prendre un petit bout, là. Mais je l'ai dit 8 fois, 9 fois. Je veux qu'on vous aide plus, je veux qu'on vous aide plus, je veux qu'on vous aide plus, je veux qu'on vous aide plus, je veux qu'on vous aide plus. Pour le reste... Une vraie aide, là, parce que honnêtement... Je veux qu'on augmente le chèque. Tu sais, moi, quelqu'un qui est dans le besoin, j'ai jamais eu aucun problème à aider les gens qui ont besoin d'aide. Je trouve que c'est même une façon de créer une société évoluée, c'est de voir ceux qui aident les plus pauvres, les plus démunis, ceux qui ont de la misère, ceux qui donnent une chance aux gens. Jean-Claude? Non, pas de contraintes? Non, moi je te parle des gens qui ont de la misère, pas quelqu'un qui s'étende pas. Moi je te parle de quelqu'un qui a une contrainte. Mais ceux qui n'en ont pas de contrainte, on fait quoi? Ben, on peut les aider un petit peu, mais... Est-ce qu'il y en a beaucoup? Un petit peu moins. Est-ce qu'il y en a beaucoup? Mais moi, ce qui me rend triste à mourir, c'est quand je vois quelqu'un qui est vraiment dans la misère. Ouais. Genre non-voyant, exact. Handicapé, qui est en grosse dépression, quelqu'un qui avait... Puis avoir un chèque de 675$ par mois. Ça, je trouve ça triste à mourir. Absolument. Le même chèque que quelqu'un qui est en santé puis qui veut pas aller travailler. Ouais, mais là, vous dites qu'il est en santé, mais il est pas vraiment en santé. T'es un peu! Il est dans les statistiques du champ contrainte. Contrainte temporaire, quelqu'un qui a des problèmes de santé, santé mentale, quelqu'un qui est même monoparental, c'est là-dedans. Quelqu'un qui est seul, endeuillé. Il y a différentes conditions. Moi, je veux qu'on aide ces gens-là davantage. Je le dis, des problèmes liés à la santé. Même les femmes enceintes. Je veux qu'on les aide. C'est très de gauche, là. Ah oui. Par contre, les gens qui sont capables de travailler, pourquoi quelqu'un, ce matin, il fait moins 20, passe son char à 7h30, s'en va caissière au Walmart à 12$28$? Et l'autre, tout aussi en santé, va rester à la maison, va écouter la TV, va écouter des reprises de La Voix. Pourquoi? Pourquoi qu'on devrait aider ces gens-là sur une très, très, très longue période sans poser de questions et sans contraintes? Moi, ça m'a toujours... Pourquoi? Ça m'a toujours enragé, je veux dire, de voir des gens se pogner à Zwin en parfaite santé, puis dites-moi pas que ça existe pas, j'en ai connu, personnellement. Je nommerai pas de nom, puis c'est même pas une vengeance, même pas, j'ai pas à juger les gens que j'ai connus qui ont fait ça, là. Je dis, il y en a qui, ça travaillait au noir aussi, là. C'est clair. Voyons donc. C'est clair. Puis donc ça, je m'excuse, mais c'est de la fraude, puis on devrait tous être contre ça, là. C'est pas du bitchage d'aide sociale. Non, c'est la réalité. Donc, je pose des questions. Moi, je vais avoir les chiffres contenu dans le document du gouvernement. 1-877-440-2464. Il y a combien d'adultes qui reçoivent de l'aide sociale qui sont sans aucune contrainte à l'emploi selon le gouvernement? Il y en a combien? La double whammy également, double question. Et ça a augmenté de combien depuis le dernier rapport? Ben, ça n'a pas augmenté. Ça a sûrement diminué. Ça a augmenté. Ah, bon. Ça a diminué selon Bédard, hein? Tu t'en souviens de l'entrevue de Stéphane Bédard? Ça diminue à chaque année. Ça a augmenté. Donc, il y en a combien? 1-877-440-2464. On va y prendre sur le fly. Oui, voilà. Bonjour, Morel Live. Il y en a combien? Allô? C'est moi? Oui, bonjour, c'est à vous, monsieur. Répétez-moi la question, s'il vous plaît. Il y en a combien d'assistés sociaux sans aucune contrainte à l'emploi? Adultes. Des adultes qui reçoivent un chèque et qui peuvent aller travailler, qui n'ont pas de contraintes. De tout âge, là, c'est ça. 175 000. Non, c'est moins que ça. Non, c'est non. Moins que ça. Hey, merci d'avoir c'était participé. C'était une bonne louche de sauce. Ouais, c'est trop de sauce. Effectivement, faut ramener la sauce, Jean-Claude. Faut ramener la sauce. Trop de sauce. Il y en a énormément, mais ça, c'est un petit peu trop de sauce. Oui, bonjour, Morel Live. Oui, bonjour. Bonjour, c'est à vous. OK. Moi, je voulais commenter à propos du bien-être social. J'avais deux autres sujets aussi, mais... Oui, mais les deux autres sujets, on va se reprendre pour ça. Allez-y pour l'aide sociale, mais vous allez répondre à mon jeu, par exemple. Là. C'est un échange qu'on fait, là. Oui? Oui. Allez-y rapidement. OK. Moi, j'appelle du Nouveau-Brunswick. Oui. J'appelle à mes frais. Ah oui? Oui. Ben, la prochaine fois, c'est... Pourtant, c'est sans frais. 1-877-440-2464. Ça me dérange pas. J'appelle à mes frais parce que ça me fait plaisir. OK. Ben, allez-y, monsieur. Au Nouveau-Brunswick. Oui. Les personnes en bas de 45 ans. Oui. Qui sont aptes au travail reçoivent le strict minimum, même s'ils sont pères de famille ou quoi que ce soit sur le bien-être social. Arrive le mois de mars, là, ils sont appelés pour nettoyer les calvettes, nettoyer les rues puis tout ça. S'ils refusent, ils perdent leur bien-être. Non! Vous êtes donc ben fin! Dans quelle ville, ça? C'est dans la province au complet? C'est dans la province au complet. Puis là, si le monsieur qui répond au téléphone dit « ça me tente pas, moi, d'aller nettoyer calvette », qu'est-ce qui arrive? Il perd son bien-être. On peut pas faire ça au Québec. Ça n'a pas d'allure. C'est juste affaire du Nouveau-Brunswick. En plus, durant l'hiver, si les terreaux d'été ils ont besoin d'être déneigés, des affaires comme ça, non. Faut qu'ils se fassent pour avoir le chèque. On peut pas faire ça au Québec, par exemple, monsieur. Voyons donc, on va avoir des manifs. Ça n'a pas d'allure, ça. C'est juste pour le Nouveau-Brunswick, ça, cette affaire-là. Moi, anciennement, j'étais un Québécois. Ça fait 27 ans que je reste au Nouveau-Brunswick. Oui. Puis, je vous écoute via Internet. Caline, c'est de l'amour, ça? Hey, vous êtes de quel coin, en passant, dans la région de Québec? Moi je suis venu, je viens de Saint-Anne-de-Beaupré. OK. Présentement, ça fait 27 ans que je reste à Saint-Stephen, au Nouveau-Brunswick. Ben, là, participe à mon petit concours, là. Faut que ça roule un petit peu, là. Il y en a combien de sans contraintes, le genre de personnes qui pourraient se faire appeler pour aller nettoyer un perron d'église? Il y en a combien au Québec? Oh, moi, je dirais au moins, 100 000. Vous avez raison. Ben, continuez, je vous aime. Prenez votre louche, là, puis sacrez-moi une bonne louche de sauce et patates. Allez-y. Oui, Mathieu. Allez-y encore. Un petit peu de sauce, encore. Allez-y. Encore de la sauce. Non, mais allez-y. Mettez-en, puis mettez-en. Non, mais allez-y. C'est la journée que la... Non, mais augmentez votre montant. Se réveiller, puis qu'ils vont dire, ça suffit. Mettez plus de sauce, augmentez ça, là, un peu. Il y en a plus que 100 000. Allez-y. Vous avez une autre chance. OK, je vais dire... Allez-y. 400 000? Non. Ça, c'était... Ça, c'est le quatrième assiette. Que mis c'est patates, parce que je vis pas au Québec. Je non, mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais 100 000, vous étiez proche. 150. Pas loin. Il faut juste baisser un peu, puis là, je donne une indication aux autres appelants. Ouais. Hey, merci beaucoup d'avoir appelé. On doit se laisser. Passez une belle journée. Très bon. Là, on faut rouler ça. Absolument, parce que sinon, on va être dans le trouble. Oui, allez-y avec votre chiffre, puis j'ai d'autres chiffres à donner. Allez-y. 125 000. Non, la réponse, c'est 138 000. Oh. Ça a augmenté de combien, en passant? Je sais pas, par exemple. Hein? 4,5%. Ah, ben. Une belle augmentation. Tu envoyais ça à M. Bédard. Belle augmentation. Merci, au revoir. Bye. Maintenant. 138 000. Ouais. Il y en a combien qui reçoivent ça parmi ces 138 000-là depuis 10 ans et plus? Ah, ça, c'est décourageant. Colin Devine, j'aime ça, le concours. Ah, j'aime ça, les jeux de société, j'adore ça. On se croirait comme dans un chalet, là, on joue, puis on est en pantoufles, en robe de chambre. Attends, je vais aller faire un quick, puis je reviens. Non, un Beauvril. Un Beauvril au poulet. Oui, bonjour, Morel Live. Il y en a combien qui reçoivent un chèque depuis 10 ans dans ce groupe-là? Allô? Il y a personne là? Oui, il y a personne là. Oui, bonjour, Morel Live. Il y en a combien qui reçoivent un chèque depuis 10 ans dans ce groupe-là, des 138 000? Il y en a combien qui sont abonnés depuis 10 ans? 84 000. Non, c'est moins que ça. Ah! Merci, bye. C'est pas grave, merci, bye. C'est beaucoup... Mais c'est moins que 80. Oui, bonjour, Morel Live. Allez-y avec votre réponse. 75 000. Non, c'est moins que ça. Mais c'est pas grave. C'est un gros chiffre pareil. Regarde, je vais vous donner un indice. Pour ceux qui reçoivent un chèque de 48 mois à 119 mois, depuis moins de 10 ans, dans cette tranche-là, il y en a 36 000. Mais moi, je salue les nouveaux. Le premier mois, il y en a quand même 1789. On peut-tu leur donner la bascule un peu? On peut-tu les féliciter? Hein? C'est quand même un premier chèque. Hein? Moi, je pense qu'on devrait les féliciter. Mais félicitons ensemble ceux qui ont des chèques depuis 10 ans et plus. Quand même. Ça se mérite. C'est combien? Il y en a combien? Oui, ben allez-y, je vais tenter la chance avec un auditeur. Oui, bonjour, allez-y avec un chiffre. 20 ou plus. 52 749 000. Colique, t'as quasiment un cheval dessus! Bravo! 52 847. Ça s'est augmenté. Hey, sérieux, c'est votre journée. Allez dans un kiosque de l'Auto-Québec. Elle est 649 avec un gratuit. Merci. Hey, bye-bye. D'après moi, elle était sur le site, là, madame. Il y en a combien qui viennent de Montréal? 52 000. Ça fait 10 ans, une décennie de bonheur. Moi, sans contrainte, là, toujours. Ça mérite... Garde, une telle assiduité mérite une grosse dose de respect. Là, excuse-moi. Et on va se laisser avec... Ça prend de l'entêtement. Là. Une dernière question, Jean-Claude, sinon on est dans le trou. Parfait, on roule ça. Il y en a combien parmi ceux-là qui vivent à Montréal? 138 000 sans aucune contrainte à l'emploi qui reçoivent un chèque d'aide sociale. Il y en a combien qui sont sur l'île? Notre belle île d'amour. Oui, bonjour, Morel Live. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Bon, écoute, je pense que... Il n'y a personne. Il y en a combien qui restent sur Coco Island? Allô? Oui, bonjour. 32 000. Pardon? 32 000. Il y en a plus que ça. Je vous donne la réponse à l'instant. Il y en a 53 000. 53 000 sur Coco Island. Très bon. Sans contrainte. Sans aucune contrainte. 53 Merci, monsieur. 000. En même temps, c'est la moitié de la province. Là. Mais il y a quand même sur l'île de Montréal, on parle... Surtout de l'Est. Ouais, OK, ben c'est la sur ville l'île. De Montréal. C'est deux centres belles et plus. Ben plein. Tu sais, tu leur dis, levez vos mains, ceux qui sont capables de travailler, ça lève toutes les mains. Ben ouais, c'est quand même incroyable. Restez là, on revient. Et vous êtes de Montréal. Aïe! Morel Live. Morel Live. Radio X. La semaine, on parle pas mal.